En direct du studio Dollhouse à Moncton, Eric et Ben vous présentent... Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Bienvenue à la toute nouvelle émission et podcast qui s'appelle « Qu'est-ce que t'as dit? » Bonjour, moi c'est Eric. Et moi c'est Ben. On est vos deux animateurs pour cette nouvelle émission. Et puis, dans cette émission, ben il va se passer toutes sortes de choses. C'est un peu pour parler à des gens qu'on trouve intéressants, aller un peu beyond ce qu'on connaît déjà de eux en public. On veut faire un peu plus que gratter la surface, je pense. En fait, on a une heure qu'on va passer avec nos invités. Donc, on va pouvoir parler de tout ce qu'ils veulent nous dire. C'est ça. Dans une ambiance où on n'est pas stressé par le temps et puis on peut vraiment avoir des discussions parfois profondes. Parfois drôles. Ça peut aller dans toutes les directions. Donc, on va laisser ça un peu libre à nos invités. Ah, exactement. C'était l'idée à Ben, il voulait faire une émission en radio. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, ça fait qu'on s'est joints ensemble, puis on a fait ça. Puis on espère bien que vous allez aimer ça. Alors, pour notre première émission, on a le plaisir d'accueillir dans les studios de Qu'est-ce que t'as dit? L'artiste, l'auteur, compositeur, interprète, Jacques Surette. Oui, puis c'était vraiment une belle conversation. Il est jeune, Jacques, mais une bonne tête sur les épaules, je pense. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment cool, comme notre premier invité en plus. Alors, sans plus tarder, voici Jacques Surette. Étais-tu venu en ville pour la gig? Ou? Moi, j'ai venu, je pense que c'était... Je crois que c'était lundi que j'ai venu, ou something comme ça. Et j'ai venu pour... c'est basically pour la gig. But j'ai venu jaser avec Carole à propos des différents détails, du stuff comme ça. But c'est, moi, j'aime ça venir à Moncton anyhow, tu sais. Yeah. Moi, j'aime la drive et c'est un sweet spot to be, tu sais. Yeah. Ça va être arrêté de travailler le nouvel album? Nous avons mis ensemble là, une couple de jours passés, puis avoir arrangé des... des différents takes et des différentes versions de les tunes. Yeah. Juste pour comparer des différentes stuff et des stuff comme ça. So far, on va faire une pretty good démarche. Et puis, c'est-tu ta première fois travailler avec un producer ou... Yeah, c'est la première fois que je me trouve à l'aise avec le mode que je travaille avec. So, c'est really nice de pouvoir avoir quelqu'un qui sait quoi ce qu'il fait et puis qui est là pour... pour une raison spécifique, pour aider l'artiste et puis la musique. Faut dire aussi que tu viens d'avoir 18 ans, là. Mm-hmm. Yeah, so même pas techniquement supposé de boire de la bière au Nouveau-Brunswick encore. C'est ça, yeah. Rank 18 et puis je suis le gars là au Québec. Mais t'es assez mature pour décider que tu veux boire de la bière. Puis, c'est ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai jamais été overboard encore, là, mais... so I was saying to stay in the limits of sobriety. Yeah, c'est dur d'être musicien, cause c'est tout en free. Ouais, c'est ça. C'est comme t'arrives dans la loge, t'arrives à 2h de l'après-midi dans la loge, puis y a pas mal toujours un frigo rempli de bière fraîche et délicieuse. Ouais, ouais. Et puis tu passes la majorité de ta journée à attendre, parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu arrives là, t'attends que l'équipe soit prête. Que tu fasses ton soundcheck. Là, tu fais ton soundcheck, puis pendant le soundcheck, souvent, tu es en train d'attendre. Puis après le soundcheck, ben, tu attends jusqu'à temps que tu fasses ton show. Alors, c'est moi, ça temps qui... à attendre. Alors, il n'y a rien qui va mieux avec l'attente qu'une bonne bière fraîche. C'est ça, c'est tout le temps là. À un moment donné, c'est comme quand tu fais ça tous les jours, tu finis par te rendre compte que, ben, peut-être pas. Il y en a qui le font tous les jours, mais moi, je sais qu'il a fallu qu'à un moment donné, je suis comme, okay, faut que j'arrête de boire de la bière parce que. C'est en train de faut apprendre à le manager parce que moi j'ai appris de comme pas toutes les boire avant le show, pas toutes les boire pendant le show. Ouais, c'est ça. Hein? J'ai j'ai probably... Mais de quand même mettre dans ton sac que c'est ce ça, c'est ça. À la fin de la show, c'est comme tu grabs ce qui reste puis tu l'amènes avec toi. Ouais, ouais. Puis ça finit toujours par être overboard, yeah. You know? Ben, boire de la bière, c'est comme une carrière dans soi-même, tu sais, c'est... Ça definitely peut. Tu sais, comme aussitôt que tu commences, you know, ça peut, you know, catches up to you. Yeah. But, you know, tout est bon en modération, tu sais, c'est pas tout le temps overexceed la limite de boire, là, parce que des fois, you know, ça peut posséder, tu sais, si tu en bois trop, des fois, t'es pas en contrôle de tes mots, tes actions, et puis... But c'est quand même, c'est, je trouve que c'est beaucoup partie de la culture. But you know, c'est juste comme anything else, really. Tu sais, c'est que if you go overboard avec, ça peut causer des problèmes. But si tu l'utilises à bonne façon, tu sais, ça peut can relax you. Et puis, so, toi, tu viens de l'île aux Surettes. C'est ça, oui. C'est-tu nommé après ton grand-père, ça? L'île des Surettes, c'était nommé à cause que la plupart des personnes qui restent là, c'était toutes des Surettes et puis des Muses. Et c'était toutes des familles acadiennes. Et puis, mon père, c'est là ce qui a grandi. Et puis, ton père qui était un musicien aussi, assez connu en Acadie. C'est ça, Éric Surette, ouais, il restait là pour la majorité de sa vie. Et puis, c'est super un beau petit coin. Tu sais, c'est quand tu y vas, tu dirais que c'est juste... C'est une autre partie de la... It separates from reality. Tu sais, où est-ce que ça se situe un peu? C'est, comme moi, j'ai déjà été à la baie, mais je suis pas tout à fait clair. OK, la baie, c'est situé comme sud-ouest, là, mais c'est à propos de comme... je crois que c'est comme 45 minutes, peut-être plus comme 1 heure et 15 minutes de la baie. OK. Et puis c'est comme directement sur le pic de la Nouvelle-Écosse. So, c'est vraiment really out in the sticks. Et puis c'est beaucoup rural, tu sais, mm-hmm. C'est... Toutes des chemins qui sont toutes... Il n'y a pas de grande ville. Non, c'est tout... Mais ce n'est pas une île comme telle, c'est comme juste une péninsule? Ou... Oui, c'est une île. Non, un pont qui s'appelle le Sluice Point, et puis il y a plutôt ça le Sluice Point Bridge, et puis ça connecte à l'île des Surettes. Okay. Et puis l'île des Surettes itself, c'est pas mal une grande place. But, t'en parles dans tes chansons aussi. Ouais, j'en parle. Les Carinos, c'est une place qui est située autour de l'île des Surettes. Et puis, c'est ça. C'est, dans le vieux temps, c'était les églises qui étaient manière comme l'autorité. Tu dis que c'est une grande place, mais c'est pas une grosse place, j'imagine. Pas trop. Comment le monde? Oh, je dirais. À cette heure, il y en a probablement plus ou moins qu'il y en avait avant à cause que les gens qui restent autour de là vont pretty much take off, tu sais, à cause que quand tu restes dans un endroit comme ça pour assez longtemps, tu vas tanner du monde, tu vas tanner de... Ben, c'est l'exode de faire les grandes villes comme il y a partout, comme il y a ici aussi, là, j'imagine. Bien sûr. Le monde, si tu restes, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que le monde fait comme des jobs? À cette heure qu'il y a des voitures, tu sais, il y a la ville Bethesda, là, c'est à toute la charpenterie, les mécaniques, right. Et puis des travailleurs de bois. La pêche? La pêche, pour sûr. Yeah. Pour sûr, la pêche, yeah. C'est une grosse source de vie. Et ouais, c'est ça. C'est ça que le monde faisait pour une vie, vraiment. Ton père était un musicien toute ta vie? Ouais, mon père, dans sa jeunesse, il était tout le temps dans les bois. Tu sais, c'était tout le temps des jeux, Cowboys and Indians, tu sais, c'était tout ce vieux classic stuff-là. Et puis, il était fou pour anything avec un fusil dedans, tu sais, juste comme any other kid dans ce temps-là. Mm-hmm. But c'était sûrement, je peux imaginer que c'était un temps qui était vraiment pur, tu sais, tout le monde était innocent, you know, c'était... But, puis tout était plus... plus intense, tu sais, à cause que c'était toute pure interaction, tu sais, il n'y avait pas de technologie ou des choses comme ça, c'était tout It was real. Real so, things to say. Moi, je suis actually pas familier avec ton période du tout. Ouais. So, parce que Ben dit que c'était un musicien populaire. Tell me. C'est ça, hein. Tu sais, locally, il était connu. On a level, tu sais, because really all it is numbers, tu sais. Et puis, around de l'endroit, il était connu pour ça qu'il a fait, parce que son album qu'il a fait s'appelait Les chansons du bas de l'île. Et puis, c'était tout à propos du monde, de cet endroit-là, tu sais. So, il y avait un target audience, pour specifically pour le monde. C'était pas un universal album, pour dire, tu sais. C'était un targeted album pour son mode et puis son peuple. But quand même, le mode qui a quitté cet endroit-là, quand il a écouté son album, il avait des souvenirs. Et puis, il disait à mon père, tu sais, c'est, you know, tes chansons que tu as écrites, ça me touche le cœur à cause que ça me fait penser à tous les choses et tous les mémoires et les souvenirs de cet endroit-là. Ça les ramène. Ça les ramène, pour sûr. Est-ce que cet album-là, on peut encore le trouver? Pas à ce stade, actually. Il y a pas, à cause que malheureusement, il y a eu un accident en 2011. Et puis depuis ça, il n'y a pas manufacturé any other CD. Il y a une cassette, analog cassette, qui est encore. Mais il y a encore les digital files de ces chansons, si que je peux le dire. Mm-hmm. Et puis, c'est encore possible de les mettre sur toutes les plateformes. Mais c'est juste qu'il n'y a pas pris le temps pour faire ça encore. Mais je crois que c'est definitely encore possible de mettre ça pour que le monde puisse écouter ça, tu sais. Mm-hmm. So, en joues-tu toi-même? Connais-tu ces tunes? Oui, j'en joue encore une couple de ces tunes, Ernest Abel Jack et puis... Veux-tu nous en jouer une? Hein? Sure. Yeah. Yeah. Moi, j'aimerais entendre ça. Moi, tout, beaucoup. Vu qu'on ne peut pas entendre l'album. Yeah, for sure. Yeah, ma guitare right now est dans un open tuning. But, ah, ben, il doit avoir une guitare ici qui traîne. Oh, sûr, ouais. Sure. C'est la guitare de hier soir? Yeah, laquelle, là, c'est une guitare. So, je suis curieux, comme chez vous, ton père est un musicien, il a fait beaucoup de musique quand tu as grandi. Hein. Ouais. Attachais-tu à ça ou tu étais comme. Parce que moi, chez nous, quand j'ai grandi, mes parents, c'était country bluegrass. Puis, man, je haïssais ça. Il n'y avait rien de pire que ça. À cette heure, je suis comme, tu sais, I love it. Mais toi, là, quand tu étais jeune, t'es encore jeune, mais. Tu sais, à 12, 13 ans, t'admirais-tu la musique à ton père ou t'étais juste comme... Ouais, arrête. Tu sais, c'est une bonne question à cause que j'ai tout le temps vu que, tu sais, il faisait de la musique et puis je savais que c'était ça qu'il faisait pour une vie en général. But so stuff, moi, j'aurais really commencé à savoir qu'il jouait à l'âge de comme... 13 ans, tu sais. Moi, j'avais 13 ans quand really I started to notice that he was playing. Right. Et puis, j'étais pas intéressé dans comme ce genre de musique-là, tu sais. C'était plus comme Nicki Minaj et du Beyoncé, du stuff comme ça. Ah. Ça, so, j'étais manière d'accord dans ce mainstream shell-là, I guess. But quand j'ai fait cet âge de comme 14-15 ans, j'ai vu qu'il y avait une whole... Un autre field de musique. Et puis, then, j'ai commencé à venir intéressé dans les cassettes, et puis j'ai trouvé ça aux cassettes. Et puis j'ai écouté ça, et puis j'ai dit, wow, Dad, you know, this is great shit. Nice. You know, so, tu sais, et puis, il y en a fait plusieurs, je crois qu'il y en a comme 10 chansons qu'il y a sur l'album. Et puis, c'est ça, il y en avait mis deux en anglais, to fill in that gap. Yeah. Et puis le reste, c'était toutes des chansons en français. Qu'il a composé lui-même. Ouais. Very cool. Huh. Yeah, ça c'est pretty neat, tu sais, de voir ce stuff-là, which is good. Quand t'avais 14-15 ans, tu dis que t'as comme sorti ta mainstream shell qu'on a sûrement tout passé à travers. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que t'as tombé dedans? Well, c'était les classic hits, là, tu sais, comme CCR, des stuff comme ça, tu sais, right. you listen to them and you just get hooked, yeah. Tu sais, et puis tu viens être attaché à ça. Et puis, then j'ai stumbled upon Neil Young, et puis Bob Dylan, tous de 60s era, là, tu sais, c'était yeah. Very sentimental stuff, tu sais, so, j'ai pris la peine d'écouter plus de stuff comme ça à cause que c'était plus relative. Yeah, I mean, on a joué ensemble au Far Out Fest, puis je vais te dire right now que quand je t'ai vu, first of all, c'est le Far Out Fest. Of course, yeah. Puis t'étais tout seul sur le stage avec ta guitare, tes sunglasses, puis moi, je suis un gros Dylan fan. Puis c'est ça que je me dis, ce kid-là a écouté du Dylan, pour sûr. Ouais, c'est definitely, yes. C'est funny, though, ça m'a vraiment striké. Yeah, j'enjoy really ce stuff-là, tu sais. It's very, c'est comme, ça te fait penser à, just really nostalgic, you know, yeah. Tu sais, c'est, but it's good stuff, overall, tu sais, yeah. It's good, it's nice. Je te compare pas à Dylan non plus. Ouais, je crois pas, il y a beaucoup de monde qui peut comparer non. À Dylan, là, il est kind of in his old... His own world. Yeah. Comme tu veux, si tu veux jouer ta tune, ouais. Bientôt, right now. Yeah, yeah, sure. Je vais jouer la chanson de Ernest Abel Jack. Là, c'est... Ça, c'est la chanson que ton... c'est une chanson que ton père a composée. Ouais, c'est ça. Okay. Ça, c'est une chanson. C'est à propos d'un gars qui reste sur l'île. Et puis, il était very wild. Tu sais, il faisait toutes sortes de stuff qui était, you know. Not really human to say, voilà comme des clous, et des cigarettes, et, you know, c'est ce type qui a mouru du cancer, tu sais, et puis il reste dans une cabane sur le bord de la mer, tu sais, very, very rural life, tu sais, et puis, tu sais, he was in his own little place, il reste là avec son père, Arthur, son frère, sorry, et puis, c'est ça, il tournait que ensemble pour. La majorité de leur vie, et puis c'est un party, des bush parties, you know, c'est... Cool. C'est à ça, tu sais, ça. Et puis c'est ça. Ça s'appelle Ernest Abel Jack. Ernest Abel Jack, c'est un sofranel. Mais il a plus la molle quasiment tout le temps. Il vivait dans une cabane sur le bord de la mer. Il vivait de jour en jour et s'occupe à poignage. Avec ses histoires, il nous a tout rire. S'il était malheureux, on pouvait pas le dire. C'est un homme simple qui vit une simple vie. C'est Stifa que je m'en souviens si bien de lui. Je m'en souviens d'une fois, c'est une soirée qui faisait beau. J'en ai une caisse de bière sur les carinaux. Arne s'est allé et c'est bénisse de nous voir. Après toi, pinte de bière et des jets de bon à la mer. Un autre pinte de bière, là, tendant la main, il dit, restez tout ici. Si vous avez fun, j'ai deux bonnes à la mer qui sont pleines de tes homards. Et si vous jouez de la musique, c'est sûr, ça va les torches. Ernest Abel Jack, c'est un sofranel. Mais il a plus la molle quasiment tout le temps. Il vivait dans une cabane sur le bord de la mer. Il vivait de jour en jour et s'occupe à poilière. Oui, je mangeais tous les pâtes, les corps et les tchèques. Et je bute tout la bière, je pouvais pas ne trouver mieux. Anne Chouanton, et il se tape les deux pieds, et dire sauver les coquilles pour les donner aux officiers. Anne Sabel Jack, c'est un sofranel. Mais il a plus la molle quasiment tout le temps. Il vivait dans une cabane sur le bord de la mer. Il vivait de jour en jour, il s'occupe à poilière. La molle est morte. Y'aura plus de petits homards. J'étais pour le voir, mais il était trop tard. Il a mouru hier soir, il a mouru de cancer. Probablement à cause qu'il a avalé toutes sortes de cigarettes, you know, et puis, you know, il a bu toutes sortes de bières et stuff comme ça. Et puis ça me fait de la peine qu'on va plus le voir. Ernest Abel Jack, c'est un sofranel. Mais il a plus la molle quasiment tout le temps. Il vivait dans une cabane sur le bord de la mer. Il vivait de jour en jour, il s'occupe à poilière. J'écris une chanson juste pour lui dire merci à Nice. Tu nous as toutes fait rire dans un monde rempli de mal et de malheur. C'est à beau de voir un homme si rempli de beau de cheveux. Anne Sabil Jack, c'est à Sofranel, ma e a piolo la molle quasiment tout le temps. Il vive dans une cabane sur le bord de la mer, il vive de jour en jour, il s'occupe à Poirier. Anne Sabil Jack, c'est à Sofranel, ma e a piolo la molle quasiment tout le temps. Il vive dans une cabane sur le bord de la mer, il vive de jour en jour, il s'occupe à Poilier. Cool tune, man. Ouais, c'est nice de voir une tune comme ça, parce que ça t'amène right back. Le mot qu'il kuna, tu sais, c'est brings you right back de son caractère, tu sais. Ça. Et puis, c'est Stifa qui l'a écrit, really. C'est pour avoir cette mémoire-là. Yeah. Je trouve la musique in general fait ça aussi. Ouais. J'ai tout le temps dit que la c'est comme la seule time-traveling machine qu'on a. Ouais. Parce que t'entends une toune de ta jeunesse, t'es comme, ça te ramène à un ou des souvenirs, t'es comme, oh man, ça t'amène right ouais, back. Ouais, tu peux sentir des affaires comme... Absolument. Physiquement sentir avec ton nez des affaires des fois quand... Ou les sentir comme ou les filets, ressentir, c'est, ouais, ça, ouais, c'est ça, absolutely. C'est fou ce que ça pour peut sûr. Faire. C'est puissant. Ouais, tu l'as dit. Yeah. T'as dans 10 ans, tu vas entendre cette tune-là, puis ça va t'amener ici. Dans la cave à Moncton. c'est ton père qui t'a montré à jouer la guitare? Well, quand il y a eu son accident, moi j'avais 11 ans, c'était de 2011, et puis moi je commence à pouvoir jouer à ce temps-là, tu sais, moi j'ai commencé à jouer. Ça, c'est un accident qui l'a. Qui... C'est ça, il s'est cassé le cou, et puis c'est à C4, malheureusement. But ça fait comme 5-6 ans de l'accident à cette heure, et puis he recuperated quite a bit, tu sais, et puis il peut encore marcher. Tu sais, quand est-ce que ça va arriver, c'est sûr, comme CBC, du stuff comme ça, but quand moi j'avais commencé à jouer, c'est sûr, sa guitare, c'était comme une Yamaha, je m'en souviens, c'est comme une cheapy Yamaha acoustique, là, et puis il avait comme une crack dans la note. Et puis... Il m'a montré comme les premiers trois accords, là, comme G, C et D. Ouais, les premiers trois accords que tout le monde apprend. On a commencé là. Ouais. Yeah, et puis après ça, j'ai, you know, c'était toutes des simple tunes, là, tu sais, comme, you know, Hot Cross Buns, of course, et puis, you know, the standards et tout ce stuff-là. Mais après ça, j'ai venu, c'était comme un whole... Autre monde. De... Parce que là, t'habitais-tu encore à l'île des Surettes ou bien est-ce que t'étais rendu quelque part d'autre? Ouais, ben, à l'âge. Y avait-tu d'autres musiciens là-bas aussi que tu pouvais jouer avec? Ou... Non, ouais. Actually, c'est ça. C'est ça qui était la manière de poisse. Tannant, really. C'était juste unfortunate, tu sais, I guess you could say, but n'avait pas beaucoup de gens mon âge. You know, il y en avait. Mais, tu sais, ils étaient tout occupés avec d'autres choses, ou dire, tu sais, we could jamais nous mettre ensemble. You know, j'ai jamais avec une couple de local buddies, mais c'était jamais comme une full-time thing, là, ce qu'on pouvait comme, nous enjoyer, tu sais, et puis, really, pour créer du stuff, c'était tout des cover tunes et du stuff comme ça. Mais, overall. Donc, y avait-tu d'autres musiciens qui étaient comme des inspirations pour toi, du monde que tu pouvais aller voir jouer? Ou oh, oui, bien sûr. Well. À cet âge-là, je me trouve very insecure, tu sais, là, so, j'étais souvent dans ma chambre, juste en fait de, you know, mess around sur la guitare, et puis, but n'ava, je m'en souviens, c'est que mon père, obviously, était une grosse inspiration pour moi, et puis n'ava, j'avais écouté la cassette à Caillouche aussi, et puis... Ton père avait joué avec Caillouche aussi. Ouais, mon père... Yeah, il a spendé beaucoup de temps avec... Il a spendé about un an avec Caillouche juste avant son premier release de son album. Et so, il avait spendé beaucoup de temps ensemble. Mais je crois que mon père, il était à un bar. Je crois que c'était around comme 88, 89. C'est que je me trompe pas. Je pourrais me tromper, c'est... But, il était in the local bar area, et puis il était fait parler au bartender ou whatever, et Because mon père était à jouer à ce bar là, right? So le bartender était comme, well, hey, you know, tu me fais passer à ce gars ici qui est local, tu sais. Puis quand j'avais comme des démos cassettes qui avaient installé là, puis il avait passé ça à mon père. Et puis après la gig, you know, mon père a barqué dans son char, et puis, you know, flicked the cassette in, et puis il a commencé à écouter à ça, et puis, you know, I gotta find this guy, tu sais, à cause que, you know, il a vu... Ah, la première cassette à Kayosh est golden. Ah oui, moi, moi, j'avais, je sais pas, probablement 13, 14, peut-être 15 ans que ça a sorti, je m'en souviens plus. Puis on a écouté ça, moi puis mes buddies, non-stop. Puis si je me trompe pas, il y a comme 16 tunes dessus. Oui, c'est... Et puis je pense que mon père a vu le talent dans Kayosh. Et puis, you know, he tracked them down. Yeah, puis c'est Bare to the Bone, c'est Kayosh puis sa guitare. Tu sais, c'est Kayosh fait des albums, tu sais. Ouais. Il y a des musiciens, ouais. C'est un peu produce, which is fine, but cette cassette-là, c'était raw. Yeah, c'est sûr. Ouais. Yeah. Et mon père avait sorti son album dans 88. Et puis, ça, c'était rendu cette histoire-là, tu sais. Puis Kayosh était en train d'écouter à la cassette de mon père. Et puis... tu sais, c'est vraiment drôle comment ça va rencontrer là, but anyhow, mon père, plus tard, he managed to track him down et il s'est rendu à un camp. Je ne sais pas exactly ce que c'était, but mon père, il va arriver là tout seul et, you know, Kayosh, il n'est jamais un gars que tu vois tout seul. Tu sais, il y a tout le temps ses, you know, his cronies, tu sais, dans le bac de lui, tu sais. Son entourage. Ah, oui. C'est cool. Même à ce temps-là. Ouais, tu sais, et puis mon père avait arrivé là, et, tu sais, tout seul. Et puis, you know, il a dit, c'est toi, Kayosh? Il dit, ouais, c'est moi, Kayosh. Et puis, you know, mon père, il s'est introduit, il dit, c'est moi, Eric Surette. Kayosh, il dit, c'est toi, Eric Surette. You know, il a regardé up and down là, à cause de mon père. Il est vraiment petit, tu sais. Et puis, il y avait une voix qui était gros, tu sais. So, you know, Kayosh, il dit, c'est toi, Eric Surette? C'est toi? Avec la grosse voix, tu sais. Il était comme déçu. Yeah. Et puis, je t'écoutais, ça fait comme 2 ans. Depuis que tu as lancé ton album, je t'écoute. Et puis, c'est ça. Et immediately, il y avait cliqué ensemble, tu sais. Et puis... il avait spendé beaucoup de temps ensemble pour écrire des tunes. Et puis mon père, you know, il a vu l'opportunité d'aider à Kayosh pour produire son premier album, tu sais. Toi, est-ce que tu l'avais rencontré, Kayosh? J'ai parlé sur le phone. J'ai jamais rencontré en face encore, but... ça va arriver. Ouais. Toi, l'as-tu rencontré? Non, je l'ai jamais rencontré. Déjà vu live ou...? C'est pas vrai. Je l'ai rencontré brièvement il y a plusieurs années, mais... Je suis certain qu'il ne se rappelle pas de moi. Ouais, oh, moi, je pense qu'il était comme a few Alpines in quand je l'ai rencontré. Mais je le voyais souvent que je venais de penser à ça au pub 1755. Ah ouais? À Dieppe, long time ago. Oui. Je le voyais comme. Il était là pas mal souvent. Quand il jouait là, bien il. Non, il hang out. Ouais. Bon, alors, vous écoutez notre conversation avec Jacques Surette. Ça va bien jusqu'à date, on jase Kayosh. On prend une petite pause publicitaire, puis on revient pour la deuxième demi-heure avec Jacques Surette. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Restez avec nous!